The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Great. Génial. Everywhere. Partout. Town. La ville. Costume. Le costume. To follow. Suivre. To feel like. Avoir envie de. Crazy. Fou. Now, a bit faster. Everywhere. Partout. To follow. Suivre. Town. La ville. Crazy. Fou. Town. La ville. Crazy. Fou. Town. La ville. Great. Génial. Everywhere. Partout. To follow. Suivre. Town. La ville. To follow. Suivre. Everywhere. Partout. Great. Génial. Now, use the words in context. Le costume. I have chosen a nice outfit for going to that party. J'ai choisi un beau costume pour aller à cette fête. Suivre. I have the impression that that car is following us. J'ai l'impression que cette voiture nous suit. Fou. She says she saw Martians. She's crazy. Elle dit qu'elle a vu des Martiens. Elle est folle. Partout. I spilled the dish. There is sauce everywhere. J'ai renversé le plat. Il y a de la sauce partout. Avoir envie de. He wants to go traveling. Il a envie de partir en voyage. Fou. She says she saw Martians. She's crazy. Elle dit qu'elle a vu des Martiens. Elle est folle. Partout. I spilled the dish. There is sauce everywhere. J'ai renversé le plat. Il y a de la sauce partout. Avoir envie de. He wants to go traveling. Il a envie de partir en voyage.